Actualité, page 6. Le devoir de mémoire. Entretenir le souvenir. Les 6 et 7 août 1944, le pays de Château-Gontier était libéré par les Américains et la deuxième DB du maréchal Leclerc. Libre, affaibli et martyrisé, la ville de Château-Gontier-Bazouges sortait ainsi de 4 douloureuses années d'occupation nazie et de collaboration. Le passage de la glorieuse division blindée est salué par la foule des habitants en liesse. De rares photographies en témoignent. La fierté de la liberté retrouvée succède ainsi aux brimades et aux déshonneurs. À l'occasion des cérémonies du 70e anniversaire de la libération, la municipalité de Château-Gontier-Bazouges, associée au comité d'entente des anciens combattants et à la fondation du maréchal Leclerc, a décidé de rendre hommage à ses libérateurs en érigeant une borne de la deuxième DB. Photo illustrant cette page. Affiche de présentation de l'inauguration de la borne de la voie de la deuxième DB qui aura lieu le 26 avril 2015. Elle présente notamment un portrait du maréchal Leclerc, une photographie de la borne, des images d'archives de la libération de Château-Gontier et un plan présentant le parcours suivi par la 2e DB en 1944. Le territoire du pays de Château-Gontier s'inscrit ainsi dans la glorieuse voie de la liberté ouverte depuis le serment de Couffrat du 2 mars 1941, qui conduit les troupes françaises de Philippe Leclerc, débarquées à Saint-Martin-de-Varville le 1er août 1944, jusqu'à la libération de Strasbourg le 23 novembre 1944. Cette borne honore nos libérateurs et inscrit durablement auprès des jeunes générations l'indispensable devoir de mémoire. Réalisée en pierre de Chavigny, elle sera positionnée dans l'espace de verdure au square de Frome, situé en bordure de la rivière la Mayenne. Elle matérialise l'itinéraire emprunté en 1944 par la 2e division blindée pour libérer les villes occupées par l'armée nazie, mais aussi l'engagement patriotique et citoyen de ces femmes et de ces hommes qui ont combattu pour libérer un peuple. Elle est composée de plusieurs symboles forts comme les 48 étoiles de la bannière américaine, 48 États de 1944, l'insigne A de l'armée de Patton, le flambeau de la statue de la liberté sortant des eaux, le blason de l'association des anciens combattants de la 2e DB. Elle sera inaugurée le dimanche 26 avril 2015.